Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et pourquoi une émission en plein milieu de l'été? Bien, il faut constater que la musique est au rendez-vous. En effet, il y a plusieurs artistes majeurs qui, faute de concerts ou de tournées, ont profité de la pandémie pour se retrouver en studio. Et on a droit, comme je le mentionnais, à beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont des nouveautés. Je nomme entre autres le Kansas, Magenta, Airbag, Rick Wakeman, et puis mon préféré, ben, c'est Logos, un groupe italien. Alors, on fait un petit peu le survol de ce qu'on aura à l'émission. On va avoir Ostolove de l'Allemagne, The Black Noodle Project de France, Kansas des États-Unis, Lonely Robot d'Angleterre, Magenta d'Angleterre, Airbag de Norvège, Otemi, ça c'est d'Italie, on a Fatal Fusion aussi de Norvège, Rick Wakeman bien entendu d'Angleterre, et pour conclure on aura Logos et la nouveauté du groupe italien. On débute donc avec la formation Ostolove, qui est une formation allemande qui joue dans le Crossover. Et ils ont fait paraître l'album About Time il y a quelques semaines. C'est leur troisième album studio depuis 2013. Et la pièce qu'on va entendre, c'est The Waters of the Nile. Ça sera suivi du groupe français The Black Noodle Project, qui eux nous ont soumis un huitième album studio. L'album s'intitule Code 2.0. Et la pièce que je vous propose, c'est Acte 1. Ensuite, il y aura Kansas qui nous sort de façon inattendue, je dirais, parce que c'est des gens quand même qui ont un certain âge. Le 16e album qui s'intitule The Absence of Presence. Je vais faire jouer la pièce titre. D'ailleurs, c'est un album, je vous disais que c'est des musiciens âgés, mais je vous dirais que La facture de l'album est très dynamique. Ensuite, on va conclure le bloc avec Lonely Robot. Ça, c'est le projet solo du guitariste de Arena. Alors, je parle ici de John Mitchell. Lui, il vient de faire paraître Feelings Are Good. C'est le quatrième album depuis 2015. Et la pièce que j'ai choisie, c'est Army of One. Alors, on débute ça avec Ostolove. yawning and suspicious like bogarts cringing through drawn Venetian blinds. I'm gonna pull my head out of the sand. I can at least try to understand everything I say. Overused cliches. Let the tide take me away. reflections drifting into space, always through a mirror, never face to face. I ask another question, the words disintegrate, the absence of presence fills the air. I know you're here, but you're not really there.

it is hopeless. Nothing's changing. Now my army's back in town. So let's go! Écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous allons débuter le deuxième bloc de l'émission. En fait, le bloc va contenir deux groupes qui sont dans le néo-prog. Il y a Magenta, qui un groupe d'Angleterre qui vient de faire sortir son 9e album studio. C'est Masters of Illusion, et je vous propose la pièce titre. Et ensuite, de Norvège, on aura le groupe Airbag, qui lui a sorti A Day at the Beach. Ça se trouve être le 5e album studio. Le groupe a débuté en 2009, alors c'est le 5e album studio, comme je mentionnais. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Sunsets. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale estivale de Rock de Neurones consacrée aux nouveautés de l'été.

Have to let it flow. Placing my trust in your. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Vous êtes donc à l'écoute d'une émission spéciale de Rock de Neurones. C'est une émission consacrée aux nouveautés de l'été 2020. Alors, pour débuter ce troisième bloc, on a une formation italienne. C'est dans le genre rock in opposition avant prog. Là, c'est quand même un style qui est pas abordé souvent à l'émission. Mais dans le contexte actuel, c'est assez potable. Donc, c'est pas trop cacophonique. Alors, c'est le groupe Otemé et l'album qui vient de paraître, c'est Un Saluto alle Nuvole. Ça, c'est un groupe qui a 4 albums studio depuis 2013. Ça tourne autour d'un musicien multi-instrumentiste qui fait de la performance recherche musicale. Moi, j'ai beaucoup aimé l'album qui est paru en 2018, Il Corpo Nel Sogno. Mais je pense que l'album phare du groupe, c'est le premier, c'est Il Giardino di Cincantato. Alors, la pièce qu'on va entendre sur le nouvel album, c'est Una Mamma Disperata. Ensuite, on va aller du côté de la Norvège avec Fatal Fusion, qui nous propose un 4e album studio depuis 2010. Et l'album bien, s'intitule Dissonant Minds. Et moi, j'ai choisi pour vous Broken Man Part 2. Alors, on y va avec Otemé. Vorrei durare un giorno a scrivere per dirvi tutto della mia vita, ma è impossibile. Vi dico solo che la cosa più bella che mio figlio ha detto è stata mamma, la prima parola venendo al mondo e anche l'ultima. È stata mamma, vi abbraccio tutti, una mamma disperata. Vi abbraccio tutti, una mamma disperata. Non posso più continuare, ho gli occhi pieni di lacrime. Vi dico solo che non dimenticherò mai questo posto. E quando mi ci porteranno, verrò a trovarvi per vedere dove è morto mio figlio. Verrò a trovarvi per vedere dove è morto mio figlio. Vi abbraccio tutti, vi abbraccio tutti, una mamma disperata. Thank you. finisce, il dolore non è senza senso, qualcuno lo condivide con te. La sofferenza è più dolce, la speranza rifiorisce. Ha detto mamma. La speranza che sei in questo mondo così cupo. La prima parola venendo al mondo è anche l'ultima. Esiste un luogo così pieno d'amore, allora forse anche dopo non ci sarà più dolore. Ha detto mamma. Ma infinito amore. La prima parola venendo. Look in my eyes. Can you feel the chains are breaking and the road that we are taking? The dissolving of the legend that will finally set me free. Set me free. Can you hear me when I cry? Do you still? We'll be right back. I'm useless now. I'm lost somehow. What have I done? Have I become like black water? Yeah. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous allons conclure l'émission spéciale de Rock de Neurones, l'émission spéciale estivale consacrée au rock progressif et toutes les nouveautés de l'été 2020. On va débuter avec Rick Wakeman, le fameux claviériste de Yes, qui, croyez-le ou non, est rendu à son 80e album studio. L'album s'intitule « The Red Planet ». Sur cet album-là, il s'adjoint trois musiciens qui s'identifient comme le English Rock Ensemble. Alors, je vous propose la pièce « Olympus Mons ». Et puis pour conclure, on va aller du côté d'Italie avec mon coup de cœur de l'année 2020, c'est Logos avec l'album Sadako e le mille gru di carta. C'est un album qui fait suite à un très très très apprécié opus qui est paru en 2014, donc on a 6 ans de distance là avec le précédent. Le précédent qui avait le titre de L'Enigma de la Vita, c'était à l'époque un de mes tops de l'année. Maintenant, pour 2020, ben, je vous dis que l'album de Logos, là, c'est mon top 1 de l'année. Et je ne suis pas seul à apprécier cet album-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques positives sur les réseaux sociaux. Et même le site Prog Archive donne une note de 4.7. Là. Alors, c'est très élevé là, pour les notes qu'on retrouve sur ce site-là. Alors, je vous propose, pour conclure l'émission, bien la pièce-titre de l'album. Alors, on débute avec Rick Wakeman.

cambiata, cambiando colore, dal bianco all'arancio, fondendosi al sole. Non solo la morte ha lo stesso rumore, le guerre, la fame, la brama, il potere. Sarracco ci ascolta, scioccata dal cielo degli uomini d'oggi, il brutale pensiero. Quando è morto l'altruismo, quanto regnano prosperi, odio, disgusto ed egoismo. Abbaiar per evitare. Ce que vous venez d'entendre, c'est la pièce titre de l'album Sadako et les Mille Gros di Carta du groupe italien Logos, et ça a été précédé de Rick Wakeman et la pièce Olympus Mons. Ça, c'est tiré de son plus récent album The Red Planet. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette émission spéciale de Rock de Neurones consacrée aux nouveautés de l'été 2020. Et je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission pour la feuille de route où vous allez trouver toutes les informations concernant les pièces, les artistes, les albums, la provenance et les styles de musique que vous avez entendus aujourd'hui. Il y aura peut-être d'autres émissions estivales spéciales, alors je vous invite encore une fois à consulter la page Facebook. Et si vous avez un petit peu de nostalgie, bien il y a 176 émissions archivées que vous pouvez consulter à partir d'un lien qui apparaît aussi sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurone. Alors, je vous souhaite un bon restant d'été. Et si rien ne change, je suis de retour au début de septembre. Merci.